que tu sois d'ici ou que tu sois d'ailleurs. On sait malheureusement qu'on s'en fout. Amoureux, je suis amoureux, chérie. L'amour n'a pas de frontière. Que tu sois d'ici ou que tu sois d'ailleurs. Sakai. Baoulé bleu, mi corps, mi corps, à l'eau à l'air, mi Thank you. Kele. chercher à boire, la caravane passe. levelo singo ya mono que le capa pamba Eloko na seza na kase na Solo nyoso mavwanga, kevanyikie Même à l'effet, même à l'effet.

Ya Yeah. sala ngala choma Yesisila kisa lunga lwa sala ngala baka Yeah! na kikomba belo tozali se bana famille kishare kile sa Miguel yamba tozali se bana moko Afrique musique et Vela José tozali se bana famille Botika to sala peto zemba matata se bana moko sala naye o naye o sala nzambe apona naye naye o yabanga ito vanda naye o naye matata famie asomie kolela, o kolela, o kolela eh.

soin mondial, babini singa na tina, oh oh, John Bosingo, babenga kayo kutu, mabananga kasado, ayo yo yo, zwaide kinawe. Oh mielele, oh oh kembo, oh mielele, oh oh kembo, babini singa na tina, oh oh, kembo, oh, babini singa na tina, oh. Wapi Fatilo, Jean-Jacques Kudeska, Babini Singana Tina, oh, ma fefe, Babenga Kayo Kutu, ma bananga Kasado, ayo yo yo, Zwaide Kinawe. Oh mielele, oh oh kembo, oh mielele, oh oh kembo, Babini Singana Tina, oh. Pasena, Saina Mona. Oh, Yeah.